Chapitre 5e, Muskwa. Tyr avait franchi la gorge à Lob. S'il avait les membres engourdis lorsqu'il sortait de son bain debout, la douleur qu'il éprouvait à la suite de ses blessures s'était atténuée de moitié. Son épaule lui faisait toujours mal, mais infiniment moins qu'au cours de la soirée précédente. Un malaise général subsistait pourtant. Il était réellement malade, et s'il avait été un homme, il aurait été dans un lit. Il parcourut lentement la gorge, la tête lourde, les pattes molles. Lui, le chercheur infatigable de nourriture, il ne songeait pas à manger. Il n'avait pas faim, seulement soif. Avec sa langue chaude, il lapait fréquemment l'eau fraîche des ruisselets et plus fréquemment encore, il se retournait à demi et flairait le vent. Il savait que l'odeur de l'homme, que l'étrange tonnerre, que cette foudre encore plus inexplicable, se trouvait derrière lui. Toute la nuit, il était resté sur ses gardes et il se méfiait encore maintenant. En créant Tyr, le grand esprit avait décrété qu'il serait son propre médecin et que certaines plantes amères constitueraient pour lui une panacée souveraine. Aussi, tout en s'enfonçant dans la gorge, flairait-il le nez au sol, chaque buisson au passage. Il atteignait ainsi une petite oasis de verdure au milieu des rocs, où poussaient en abondance les kinikiniques vivaces. Les fruits n'en étaient pas encore rouges, mais amers comme du fiel. Ils contenaient un astringent tonique dénommé uva-uva. Tyr mangea quelques livres. Plus loin, il découvrit des baies saponifères déjà plus grosses que des chasselas. Les Indiens les connaissent bien, ces baies, et en mâchent quand ils ont la fièvre. Tyr en absorba avant de continuer. Elles aussi étaient amères. Poursuivant sa route, il flaira les arbres et trouva enfin celui qu'il cherchait. C'était un pin rouge, un grand pin, dont une entaille laissait couler la résine fraîche, le plus efficace de tous les médicaments connus, et Tyr le lécha avec sa langue. Ce faisant, il absorbait non seulement de la térébenthine, mais également toute une pharmacopée indispensable à son état. Le soleil n'était pas tout à fait levé lorsque Tyr arriva à l'extrémité de la gorge. Il s'arrêta quelques instants devant l'entrée d'une grotte basse qui s'enfonçait profondément dans l'intérieur de la montagne. Elle n'avait pas plus de 4 pieds de haut et guère plus de 8 de large, mais elle était assez profonde et tapissée de sable blanc. À une époque lointaine, un petit ruisseau avait jailli de cette caverne dont le fond constituait une sorte de chambre, un abri très confortable pour un ours qui hiverne lorsque la température dépasse 50 degrés au-dessous. 10 ans plus tôt, la mère de Tyr s'était installée dans cette caverne pour y dormir tout l'hiver. Et lorsqu'elle en était sortie, quelque peu chancelante sur ses pattes pour humer l'air vif du printemps, 3 oursons gras l'accompagnaient. Tyr était l'un de ces 3-là. Il était presque aveugle alors, car un ourson n'y voit que peu avant d'atteindre 5 semaines. Il n'avait pas non plus grand poil, car les grizzlies naissent comme les hommes, à peu près complètement nus. Depuis lors, Tyr avait hiverné 8 fois et considérait cette caverne comme son home. Il avait grande envie d'y pénétrer maintenant. Il avait envie d'aller se coucher tout au fond et d'y attendre la disparition de ce malaise. Pendant 2 ou 3 minutes, il hésita, huma l'air tiède à l'entrée de la grotte, puis flaira le vent qui lui venait en poupe. Un instinct obscur le poussa à continuer. À la sortie de la gorge, Tyr s'engagea sur une pente assez raide, orientée vers l'ouest. Le soleil était déjà haut lorsqu'il atteignit le sommet, et pendant quelques instants il se reposa en contemplant l'autre moitié de son domaine. Cette seconde vallée était encore plus merveilleuse que la première, que celle parcourue par Bruce et Langdon quelques heures auparavant. Elle avait bien 2 milles de large et se déroulait à perte de vue en un grand panorama vert, noir et or. Vu du point culminant sur lequel se tenait Tyr, elle semblait un immense parc. Les flancs de la montagne se couvraient de verdure presque jusqu'au sommet, et jusqu'à mi-hauteur s'érigeaient des petits bois de pin qu'on eût dit plantés par l'homme. Quelques-uns de ces bocteaux étaient d'un bel effet décoratif. D'autres couvraient des acres et des acres, et au pied des pentes, de chaque côté, telles des franges ornementales, couraient des bandes étroites ininterrompues de forêts. Entre ces 2 bandes d'un vert sombre s'étalait la vallée ouverte, prairie moelleuse et onduleuse, tachée de pourpre par l'herbe à buffle, de mauve par la sauge montagnarde, de blanc par la rose sauvage. Dans le creux de cette vallée courait un ruisseau. Tyr descendit environ de 400 mètres, et puis se dirigea vers le nord le long de la pente verte, passant d'un bocteau à l'autre, à 150 ou 200 mètres au-dessus de la frange de forêt. À cette hauteur, à mi-chemin entre les prairies de la vallée et les premiers rochers dénudés des pics, il rencontrait fréquemment du petit gibier. Déjà de gros loirs commençaient à lézarder au soleil. Leur long sifflement doux et fugitif, agréable à entendre parce qu'il rompt la monotonie du bourdonnement de l'eau, emplissait l'air d'une cadence musicale. De temps en temps, l'un d'eux faisait entendre, tout proche, un coup de sifflet aigu d'avertissement, et puis s'aplatissait sur son rocher au passage du grand grizzly. Et pendant quelques instants, plus un sifflement ne troublait le doux ronron de la vallée. Mais Tyr ne songeait pas à la chasse ce matin-là. Deux fois, il rencontra des porcs-épics, morceaux de choix s'il en fut, et il les laissa passer sans y prêter autrement attention. L'odeur chaude du caribou endormi lui parvint, issue d'un fourré, il ne ralentit même pas sa course. Pendant 2 heures, il avança bon train vers le nord, à mi-hauteur des pentes, avant de descendre à travers bois vers le ruisseau. La glaise, adhérente à sa blessure, commençait à durcir, et de nouveau il s'enfonça jusqu'aux épaules dans une petite mare et y demeura quelques minutes. L'eau courante emporta presque toute la terre. Pendant 2 heures encore, il suivit le cours du ruisseau, buvant fréquemment. Puis vint le Sapuzowin, 6 heures après qu'il eut quitté le bain de glaise. Les fruits du kinikinik, les baies saponifères, la résine, les aiguilles de sapin additionnées d'eau et mélangées dans son estomac, produisaient leur effet puissant et Tyr se sentit beaucoup mieux, tellement mieux, que pour la première fois, il fit tête à queue et rugit dans la direction de ses ennemis. Son épaule lui faisait toujours mal, mais le malaise était passé. Pendant de longues minutes après le Sapuzowin, il demeura sur place à rugir. Le rondement hargneux qui roulait au fond de sa poitrine avait une signification nouvelle. Jusqu'à la veille, il n'avait pas connu la haine. Il s'était battu avec d'autres ours, mais la fureur combative, qui s'exaspérait rapidement, s'apaisait également vite. Elle ne laissait pas de rancœur. C'était avec une sorte de joie qu'il léchait les blessures infligées par les griffes de l'adversaire. Mais ce sentiment nouveau qui venait de naître en lui était tout différent de l'autre. Il haïssait l'étrange chose qui lui avait fait mal, d'une haine féroce, inoubliable. Il haïssait l'odeur de l'homme, il haïssait l'étrange animal au visage blanc qu'il avait vu cramponné au flanc du rabbin. Et sa haine comprenait tout ce qui s'associait à eux. C'était une haine née de l'instinct et réveillée de sa longue torpeur par l'expérience. Sans avoir jamais vu ni senti l'homme précédemment, il savait que l'homme était son ennemi le plus mortel, qu'il était plus à craindre que ses adversaires les plus implacables de la montagne. Il eût attaqué sans crainte le plus géant de ses congénères. Il eût tenu tête hardiment à la horde de loups la plus féroce. Il eût bravé sans trembler l'inondation et le feu. Mais, devant l'homme, il lui fallait fuir, il lui fallait se cacher. Il lui faudrait dorénavant se garder constamment sur les pics et dans la plaine, avec les yeux, les oreilles et le nez. Seule la nature eût pu expliquer comment il sentait cela, comment il comprenait que son domaine était envahi par une créature qui, en dépit de sa petite taille, était cependant plus à redouter que tous ses précédents ennemis. La nature le lui avait appris. Elle lui avait appris, à travers des centaines et des milliers de générations, que l'homme était son seul et unique maître. L'homme avec la massue d'abord, puis l'homme avec les pieux durcis au feu, l'homme encore avec la flèche aiguë, l'homme avec ses trappes et ses pièges, l'homme enfin avec le fusil. Et maintenant, pour la première fois, cette partie endormie de son instinct s'était réveillée en sursaut, et il comprenait. Il haïssait l'homme, et dorénavant, il haïrait tout ce qui porterait l'odeur de l'homme, et avec cette haine, naissait en lui pour la première fois la crainte. Si l'homme n'avait pas jadis acculé à la mort les ancêtres de Tyr, le monde n'eût jamais connu le grizzly sous le sobriquet d'Ursus horribilis. Il continua à suivre le ruisseau, flairant de ci de là, sans jamais ralentir, cou penché et tête baissée. Son énorme arrière-train se levait et s'abaissait avec ce déhanchement comique particulier à tous les ours et spécialement aux grizzlies. La partie de la vallée dans laquelle il venait de pénétrer avait pour tir un attrait tout particulier. C'est là qu'il retrouvait généralement depuis bien des saisons d'amour sa compagne Iskwao, une superbe femelle, qui venait en juillet des montagnes de l'ouest. Elle était puissante et forte et d'une belle couleur brun doré, de sorte que ses oursons, les fils de Tyr, étaient les plus beaux des rocheuses. La mer regagnait son territoire à la fin d'août et les petits ouvraient les yeux sur les pentes lointaines de l'ouest. Si, plus tard, Tyr pourchassa jamais ses propres fils et les rossa d'importance pour leur ôter le goût d'envahir son domaine, la nature clémente le laissa ignorer. Semblable à la plupart des vieux célibataires, il n'aimait pas les enfants. Il supportait la présence d'un ourson à peu près comme un vieux misogyne supporterait celle d'une fillette rose. Mais il n'était pas cruel. Il n'avait jamais tué de petits ours. Il en avait giflé sérieusement, par contre, lorsqu'ils osaient s'approcher de lui. Mais toujours avec la pomme plate et tout juste avec ce qu'il fallait de force pour les envoyer rouler cul par-dessus tête, telles de grosses boules duveteuses. Je l'ai déjà dit, il était tout à fait chevaleresque. Jamais il n'avait pourchassé une mère ours, ni ses oursons. Jamais il ne l'avait attaqué. Fut-elle la plus désagréable des mégères, et même, lorsqu'il les trouvait attablés devant l'un de ses festins, il se bornait à gifler les gosses. Il n'y avait eu qu'une exception à cette règle. L'année précédente, il avait flanqué une tripotée, à une véritable ours, à une femelle genre suffragette, si impudente qu'il avait dû, pour préserver sa dignité, la rosser des plus durement. Je ne vous raconte tout ceci que pour que vous compreniez quelles furent les impressions de Tyr lorsqu'au détour d'un éboulis, il aperçut un ourson, seul, aplati sur son petit ventre et se tortillant comme un ver. Il n'avait pas plus de 3 mois, âge bien tendre pour se promener seul. Il avait une frimousse brune toute futée et il portait sur sa poitrine une tache blanche qui le désignait comme membre de la tribu des ours. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour exprimer à sa manière « Je suis perdu, j'ai soif, j'ai faim et j'ai un piquant dans la patte. » Tyr s'arrêta quelques pas, jura congrûment, puis chercha la mère absente du regard. Elle n'était pas d'ailleurs visible. Il reporta son attention sur l'ourson, qui geignait doucement. Musquois, c'est ainsi qu'un Indien l'eût certainement appelé. Musquois s'était mis à ramper lentement sur son petit ventre. Il se tortilla davantage lorsque Tyr le considéra et continua d'avancer. Un avertissement sourd gronda au fond de la poitrine de Tyr. « N'approche pas, exprimait-il, ou je te flanque une bonne gifle. » Musquois comprit probablement. Il s'immobilisa, comme mort, patte, nez et ventre aplati. Tyr étudia les alentours, flaire levant sans résultat. Lorsqu'il s'inquiéta à nouveau de Musquois, l'ourson était à moins de 4 pieds de lui, s'écrasant contre le sol et gémissant plaintivement. Tyr leva sa patte gauche à 4 centimètres de terre. « 1 pouce de plus et je te gifle » grogna-t-il. Musquois se tortilla davantage et exagéra son tremblement. Il léchait ses lèvres avec sa petite langue rose, mi-terrifié, mi-suppliant, et malgré la patte levée de Tyr, il se rapprocha davantage, sans cesser de se tortiller. Le grognement de Tyr devint plus sourd. La lourde patte retomba sur le sable. Pour la 3e fois, il regarda autour de lui et flaira l'air. Puis il grogna. Un vieux garçon n'aurait pas eu de mal à interpréter ce grognement. Où diable est la mère de ce gosse, si ce n'est pas pitié quand même d'abandonner un homme comme ça? Il se passa alors quelque chose qui décida de la destinée de l'ourson. Musquois s'était approché tout près de la patte baissée de Tyr. Il se leva et flaira l'odeur de la plaie à vif. Doucement, sa langue l'effleura. Elle était comme du velours, cette langue. Un frisson exquis, apaisant, parcourut l'échine de Tyr qui se laissa faire, immobile. Longtemps, l'ourson lécha la plaie. Puis Tyr baissa sa lourde tête, souffla sur Musquois qui frémit et lui passa sa grande langue chaude à 2 reprises sur la face. « Viens-t'en, petit » exprima-t-il, reprenant sa marche vers le nord. L'ourson à la frimousse brune, l'ourson sans mère, suivi, joyeux.